toujours à la même occasion, les hôtes étrangers et les compatriotes coréens de la Chine venus pour participer au 19e Floralie de Kim Il-sung, le corps des conseillers économiques et commerciaux en Corée, la famille de Tuei, fille de Tu Baozong, chinois lié à la lutte révolutionnaire anti-japonaise et sa suite, ont déposé le 13 coron les corbeilles de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage. Par ailleurs, le même jour, y est déposée la corbeille de fleurs envoyée par Jong Il-sim, femme du héros de la République, Han Dong-soo.